Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un film très sympa. Alvin, Théodore et Simon, trois petits frères chipmunks, des animaux adorables et talentueux, décident de s'installer chez le compositeur Dave Seville. Afin de convaincre Dave de les laisser rester chez lui, les frères lui révèlent leur talent. Ils savent parler et en plus, ils chantent à merveille. Comme chanteur, Dave avait du mal à percer. Parlons un peu de ta chanson, Dave. Elle est nulle. Quoi ? Mais sa chance va tourner. Grâce à une rencontre... fracassante. Oh les gars, il est mort ! Les chipmunks, ça parle pas ! Ah ouais ? Et ça, c'est quoi ? Si vous chantez mes chansons, en échange, je vous héberge. Oh, wow ! Alvin et les chipmunks. Oh yeah ! Ah ! Dans le genre bête de scène... Coucou les garçons, café. Oh, j'ai jamais goûté. On ne fait pas plus décoiffant. Ma vie est en train d'être ravagée par des chipmunks qui parlent. Découvrez Alvin. La bombe. Ça roule, beau gosse. Simon. Qui c'est? Notre femme de chambre. Et Théodore. J'ai fait un cauchemar. Je peux dormir avec toi? D'accord, mais mets-toi de l'autre côté du lit. Alvin et les Chipmunks. Une comédie familiale, un DVD Fox Pathé Repas.